Chapitre 1. Un jour, l'émir de Kaalat reçut une ambassade de chrétiens de Tripoli, désireux d'établir avec lui des rapports de bon voisinage. Il accueillit avec empressement ses porteurs du rameau vert, car il ne rêvait que de jouir en paix de ses richesses, de ses beaux jardins et de son harem, qui passait pour le mieux composé de l'Asie. À leur tête se trouvait un chevalier de 24 ans, Sir Guillaume, plein de cœur, de franchise et d'élan, et qui, malgré sa jeunesse, avait été choisi pour cette mission, parce qu'il excellait dans l'art de bien dire, comme les fameux chevaliers poètes, et qu'arrivé de France à 16 ans, il s'était mis merveilleusement à parler l'arabe. Tout de suite, il plut à l'émir, qui avait le goût de renouveler ses plaisirs en les étalant devant un étranger. Et bientôt, ils ne se quittèrent plus. L'émir l'emmenait à la chasse aux faucons, et le reste du temps le promenait dans ses jardins et ses palais, où le jeune chrétien admirait toutes choses avec un entrain inépuisable. Les jardins de Kaalat étaient réputés parmi les plus beaux de la Syrie, dans un temps où les Arabes excellaient dans l'art d'exprimer avec de l'eau et des fleurs leur rêverie indéfinie d'amour et de religion. On y voyait les fameuses roses de Tripoli, qui ont le cœur jaune, et celles d'Alexandrie, qui ont le cœur bleu. Au milieu de pelouses parfumées de lys, de cassis, de narcisses et de violettes, rafraîchis par des ruisseaux dérivés de l'Oronte et ombragés de cédrates, d'amandiers, d'orangers et de pêchers en plein vent, étaient dispersés de légers kiosques, tous ornés de soie d'Antioche et de Perse, de verreries arabes et de porcelaines chinoises. Mais rien n'approchait des magnificences à accumuler dans la forteresse. Au milieu de ces merveilles, le jeune chevalier poète riait et chantait toute la journée, et l'émir aimait à le faire passer sous les fenêtres des kiosques où se tenaient ses femmes, afin qu'elles eussent l'amusement de voir un si curieux personnage. Elle l'admirait et se gardait bien de le dire. Mais lui, au bout de quelques semaines, il éprouva un certain vide. Quelque chose manquait à ses délices. Ses divans de soie semblaient dans l'attente d'une présence qui les anima. Quand il traversait les jardins, il voyait sur le sable des empreintes très fines, comme en laissent les gazelles, et des coussins parfumés épars, sur les pelouses gardaient l'empreinte des corps charmants qui s'y étaient appuyés. « Seigneur, c'est splendide, » dit-il un matin à l'émir, « mais pour compléter ces magnificences, ne faudrait-il pas un peu de fraîcheur, le chant d'une flûte, un rire joyeux, des cris, des larmes, la vie ? Quelle musique veux-tu que mes musiciens te jouent, et quel vin désires-tu que je te fasse verser ? Je pense à une ivresse qui s'acquiert sans vin ni musicien. Nous n'avons pas vos richesses, mais, dames et chevaliers, nous nous réunissons parfois pour entendre des histoires de guerre et d'amour. Dernièrement, on nous a récité le merveilleux enchantement de Tristan et d'Iseut, et nous nous réjouissions à regarder de jeunes visages émus par les mêmes sentiments qui nous troublaient. Crois-tu, dit l'émir, que je sois comme le paon qui étale au dehors toutes ses richesses, mes tapis, mes pierreries, mon pouvoir même, qu'est-ce que tout cela si je n'avais pas un secret, quelque chose de plus beau ? Ce soir-là, il pria Guillaume à souper dans la salle d'honneur de la forteresse. Tous deux seuls, ils étaient assis sur des tapis, devant des plateaux qui portaient leur repas. L'air de la nuit circulait librement par les hautes et larges fenêtres, y répandait une délicieuse fraîcheur, en agitant une légère bedeau, jaillie d'un bassin de marbre au centre de la pièce. Les flammes dansantes des torches laissaient mal distinguer les figures de perroquets, de gazelles et de lièvres, qui décoraient les frises, les poutres et les panneaux. Une profonde tribune sous laquelle ils étaient installés demeurait dans une complète obscurité. Tandis que dans une pièce voisine les musiciens jouaient, l'émir fit boire force vin à son compagnon. Puis, au moment qu'il crut favorable, l'oreille en criait de se taire, il l'invita à lui raconter Tristan et Iseut. Le jeune homme ne se fit pas prier. Il dit comment ces deux-là burent le philtre d'amour, et s'aimèrent invinciblement à travers toutes les misères, et comment nous devons leur pardonner leurs fautes, parce qu'aucun de nous, jeune ou vieux, n'est sûr qu'il ne va pas rencontrer l'être dont il subira jusqu'à la mort la fascination. Il allait poursuivre de tout son élan, mais voici qu'ayant cru soudain entendre de légers bruits de soie froissée, il s'arrêta net et leva la tête vers la tribune obscure. « Ce n'est rien, Sir Guillaume, dit l'émir. Ce sont les souris qui attendent la fin de notre repas pour en prendre les miettes. Continuez votre beau récit. » Guillaume continua, et puis de nouveau ayant entendu comme des chuchotements. « Seigneur, dit-il, je crois que les souris de Kaalat aiment autant les histoires qu'aucun bon dîner. » Cette réflexion égaya beaucoup l'émir. Il se livra à un accès d'un rire désordonné, en donnant de petits coups d'amitié avec le plat de la main sur l'épaule de Guillaume, et lui demanda « Pourquoi Sir Guillaume me quittait si rapidement? Vos compagnons et mes conseillers viennent de s'entendre sur les termes du traité. Nous concluons une trêve de 10 ans, 10 mois, 10 jours et 10 heures. Plaise au ciel que j'en fasse autant avec le prince d'Antioche. Restez donc avec nous quelque temps, puisque nous allons jouir de la paix. Seigneur, ce n'est pas seulement pour la guerre que je suis venu en Asie. Et pourquoi encore, Sir Guillaume ? Pour quelque chose que m'a dit ma mère. Qu'est-ce donc ? Ma mère m'a raconté des histoires de ceux qui se sont aimés jusqu'à la mort, d'un amour si irrésistible qu'ils l'avaient éprouvé avant même de s'être rencontrés, et elle me disait « Si j'étais un garçon, je m'en irais chercher, à travers le monde, le bonheur qui m'est destiné. C'est ainsi que je suis venu près du tombeau du Christ. Je me suis croisé pour faire de grandes choses, pour gagner mon paradis dans le ciel et sur la terre. J'espérais voir des anges avant même que de mourir. Mais après 8 années, je pense qu'il y avait dans mon rêve de la démesure. Et maintenant je veux rentrer dans mon pays, où ma mère n'est plus, avec l'idée de trouver au chevet de notre église, près de la rivière, l'ange ou la fée que m'a refusé l'Asie. » Cette chaleur d'extravagance plut à l'émir, et il désira encore plus garder auprès de lui ce jeune homme, qui lui excitait l'esprit. Après un silence, il dit à Guillaume, « Dans votre pays, et d'après vos coutumes, si l'un de vous possède une jeune merveille, il la montre à ses amis ? Certainement, nous portons ses couleurs, et si nous voulons conquérir l'estime de tous, c'est pour lui faire honneur publiquement. » Vous avez raison. Si l'on entend un rossignol, on dit à son ami « Écoute !» Si l'on a dessiné et planté un bon jardin, on est content que d'autres l'admirent par-dessus le mur. Eh bien, le chant de flûte que tu réclames, l'ivresse sans vin ni musicien, tout cela je l'ai dans un de mes kiosques. Tu sais qu'une touffe de poils blancs au front d'un cheval dénote la pureté du sang et la finesse de la race. Je possède 7 jeunes juments au front étoilé de blanc. Il ne faut pas que tu désespères de trouver ce que ta mère t'annonçait. Le paradis existe sur terre, et tu ne quitteras pas Kaalat sans avoir soupçonné ce que peuvent être les anges des nuits d'Asie. » Il disait ses folies à cause de cette mauvaise vanité qu'il avait de ne jouir des choses que si l'on l'enviait, et puis sous l'influence de la plus romanesque de ses femmes.